La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache dans le néant et qu'est-ce qui s'y trame ? Parménide est ce philosophe d'Élée en Italie du Sud qui fut saisi par le frisson glacial de l'abstraction, comme dira Nietzsche. On lui attribue la première formulation de la question de l'être au 5e siècle avant Jésus-Christ. Comment Parménide définit-il l'être ? Par la parfaite identité à soi-même. Est ce qui est parfaitement un. Cette conception le conduisit à des assertions devenues célèbres. Par exemple, l'être est, le non-être n'est pas. Ou bien, non, jamais tu ne plieras de force les non-étants à être. Son argument principal était qu'on ne peut connaître ce qui n'est pas, ni même l'énoncer, car ce qui peut être pensé et ce qui peut exister sont une seule et même chose. Avec des principes de cet ordre, Parménide ne pouvait que nier l'existence du vide, qu'il assimilait à du non-être, à du néant, c'est-à-dire selon lui à de l'impensable. Se disait là quelque chose de très profond, à savoir que l'idée de néant est une épreuve pour l'intellect, une sorte de provocation radicale. En effet, dès que nous tentons d'imaginer le néant, nous lui attribuons aussitôt des propriétés, nous en formons une représentation, bref, nous en faisons irrévocablement quelque chose qu'il ne saurait être puisque le néant est justement l'absence de tout élément de réalité. Parménide découvrait donc là une sorte de vérité métaphysique. Nous ne parvenons à penser l'absence d'une chose que par la représentation de quelque autre chose. Penser ou imaginer le néant, c'est toujours le transformer par un tour de passe-passe en autre chose que lui-même. Mais alors, comment le représenter sans le trahir? Et quel rôle devons-nous attribuer au néant dans le champ des idées? Pour discuter ces questions délicates, j'ai invité Françoise Dastur, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur honoraire de philosophie, présidente honoraire de l'école française de Daseinsanalyse. Qu'est-ce donc ? On pourrait dire analyse existentielle, c'est-à-dire qu'elle réunit, cette école française, un certain nombre de psychiatres et de philosophes qui dialoguent ensemble et qui, contrairement à ce qui se fait dans le champ de la psychanalyse, ne prennent pas comme base l'idée de la psyché, de l'âme, mais l'existence. Et donc, explique, enfin, ou du moins considère ce qu'on appelle la maladie mentale comme une maladie de l'existence qui implique l'ensemble, si vous voulez, de l'existence d'un être humain, hein, c'est-à-dire corps et âme non séparés. Alors vous publiez un livre absolument passionnant qui s'intitule « Figure du néant et de la négation entre Orient et Occident », ce qui fait, je crois, un vaste programme, même si notre sujet, c'est l'Orient. Oui. Mais il y a beaucoup à en dire. Alors je voulais commencer par des anagrammes. Et parfois, je dis une anagramme dans l'émission. Quand je n'en dis pas, on me le reproche au motif que j'en abuse. Et quand je n'en dis pas, on me le reproche aussi au motif que ça manque et que ça nuit à la bonne tenue de l'émission. Alors là, j'en ai deux. La première, c'est... Les deux ont été trouvés par Jacques Périssalkov. La première, c'est être ou ne pas être. Voilà la question. Et ça donne comme résultat, oui, et la posée n'est que vanité orale. Qu'est-ce que ça vous suggère ? Ah, je crois que ça correspond assez bien à ce que... Il y a un sens caché ? Non, mais je crois que ça correspond assez bien à ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a... le langage se trouve un peu... l'oralité se trouve un peu en déroute dès qu'il s'agit d'affronter cette question du néant. Donc, ça fait sens. Et la seconde, c'est presque la même, c'est être ou ne pas être. C'est là la question qui donne la parole ontique reste un casse-tête. Un casse-tête, oui, c'est... C'est un peu la même idée. Hein. Oui, c'est un peu la même idée, oui. Le casse-tête, c'est effectivement... Alors, ça nous ramène à Parménide, d'une certaine manière, qui appelle les humains des doubles têtes, c'est-à-dire des gens qui passent d'une opinion à l'autre sans parvenir véritablement à les unir. Et je pense que c'est ça le casse-tête, vous voyez, et que le rapport au néant, eh bien, ça nous met effectivement dans cette ambivalence et cette difficulté énorme. Et c'est vrai que écrire un livre sur le néant, c'est prendre le risque maximal, à mon avis. Alors justement, Bergson, dans un livre qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion », explique que le néant est une idée destructrice d'elle-même. C'est-à-dire que dès qu'on se met à la pensée, on la contredit. Et que finalement, on ne peut penser le néant que si on n'y pense pas. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui et non. Penser le rien n'est jamais penser à rien. Oui et non, parce que, bon, une philosophie du plein, moi j'ai essayé quand même de montrer que ce qui était très intéressant, c'est que en Inde, par exemple, on a inventé le zéro, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée du vide, et que cette idée est extrêmement importante et qu'elle n'a pas eu lieu en Grèce. Alors je crois que Bergson, il est plus grec là, c'est-à-dire que c'est quand même une... Je ne veux pas l'accuser, mais c'est plus une philosophie du plein. Mais en même temps, il a raison, parce que dès qu'on essaye de penser le néant, on entre dans des difficultés énormes. Et c'est pour ça que l'Inde, c'est intéressant, parce que en Inde, on n'a jamais séparé la théorie et la pratique, et qu'il y a des pratiques, il y a des manières d'être qui nous permettent d'être en relation avec le rien ou le néant. Vous pensez à la méditation, par exemple ? Je pense, par exemple, à la méditation. Je pense à tout ce qui se passe dans le bouddhisme quand on ne répond pas, quand c'est le silence et la réponse, parce que on a affaire avec quelque chose qui ne peut pas se dire dans la langue quotidienne. Voyez ? Et ça me paraît extrêmement important. De reconnaître que dès qu'on parle la langue de tous les jours, qui est une langue qui consiste à faire être des choses qui ne sont pas vraiment, à leur donner une subsistance ou une existence qu'elles n'ont pas, alors là, effectivement, il est impossible, absolument impossible, de rencontrer et de parler du néant de manière correcte. Et en ce sens-là, Bergson a raison. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de Heidegger, de Parménide, sur lequel vous revenez régulièrement. Oui. Mais justement, il dit, si j'ai bien compris, que le néant ne peut pas exister parce qu'il est impensable. Or, seules les choses pensables existent. Et pourtant, pour dire qu'il est impensable, il a dû le penser. Oui. Donc, à chaque fois, on tombe sur des sortes de paradoxes. Absolument, comme ça. Absolument. Et je pense aussi que j'ai montré quand même que Parménide, vous savez, Parménide, c'est celui qui nous ouvre trois voies. Hein, la voie de l'opinion, qui est la voie que suivent ceux qui ne pensent pas vraiment. La voie du non-être qui est complètement barrée et qu'il faut absolument pas emprunter. Et puis la voie de l'être. Mais la voie de l'être, quand vous l'empruntez, ben vous apercevez que vous n'atteignez pas l'être non plus, puisqu'il ne se dit que dans des signes négatifs. Donc Parménide, c'est pour ça que j'ai parlé d'ontologie négative à propos de Parménide. Il nous dit que l'être, nous pouvons juste dire le dire avec des adjectifs qui sont tous des négations, et donc l'être, nous ne l'atteignons pas non plus. Vous voyez donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de rapport entre le néant et la négation, comme le suggère votre titre, figure du néant et de la négation. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la pensée négative, elle est chez Parménide déjà, d'une certaine manière, puisqu'il nous dit que l'être, c'est à travers des signes négatifs qu'on peut en parler, mais jamais de manière positive. Voyez. Donc, il est, d'une certaine manière, vous avez raison, il a affronté la question, en tout cas, du négatif, sinon du néant. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais lu ce livre de Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, et dans lequel Sartre, si mon souvenir est bon, explique que le néant hante l'être. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est plutôt l'inverse? C'est-à-dire que c'est l'être qui colonise le néant dès qu'on y pense, en le peuplant des temps divers et variés. Oui, oui, je pense, moi, si vous voulez, toute mon entreprise, c'est contre ce que j'appellerais une pensée de l'hypostase. C'est-à-dire, dès qu'on parle de quelque chose, on lui donne une subsistance, on en fait un fondement, et c'est ce qu'on fait avec le néant, en général. Alors, Sartre, je lui ai pas accordé une très grande importance. Vous le citez pas du tout, je crois. Si, je le cite un peu, mais il nous dit que c'est l'homme qui fait entrer le néant dans le monde. Et ça, je crois que c'est donné beaucoup au sujet humain. Je pense que le néant, il est là avant nous, d'une certaine manière, que le vide, que le rien, c'est quelque chose que dont nous faisons l'expérience, mais qui ne dépend pas de notre décision. Vous voyez, ce n'est pas seulement le sujet humain, en quelque sorte, qui fait entrer le néant dans le monde. Sartre est un penseur du sujet, il donne beaucoup beaucoup d'importance au sujet. Moi, j'essaye de montrer au contraire que, et en cela je suis à Heidegger, que l'expérience du néant, on l'a fait soit de manière pratique, alors ça sera la méditation bouddhique, par exemple, bouddhiste, soit on fait l'expérience du néant dans ce que Heidegger appelle les Stimmungen, les dispositions affectives, et c'est l'angoisse. Et je crois que c'est là, et on fait l'expérience du néant de manière passive, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé. Si on décide, immédiatement on va faire du néant quelque chose, vous avez tout à fait raison, et donc on manque mais complètement. François Dastur, vous venez de parler du néant comme s'il s'assimilait au vide. Or, pour un physicien, le vide et le néant, c'est deux choses complètement différentes. C'est vrai que... Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Justement parce que le vide n'est pas le néant. Si on enlève tout, il n'y a plus rien. Oui, mais c'est vrai que, enfin, j'ai pas beaucoup parlé du vide, je crois, mais j'ai parlé effectivement du rien et du néant en les mettant un peu sur le même niveau. Est-ce que ça n'est pas parce qu'on assimilait le néant au vide ou le vide au néant qu'on a refusé l'atomisme avec Aristote qui conteste l'atome au motif qu'il implique le vide qui, étant assimilable au néant, n'existe pas? Oui, mais je sais, enfin, le vide, vous en parlez mieux que moi, mais si vous voulez, je crois que moi j'ai pensé plutôt le néant, si vous voulez, à partir des références qui sont les miennes, plutôt comme ce qui se dissimule, comme ce qui ne peut pas être dit, comme ce qui ne peut pas être affronté directement, mais avec lequel nous avons une relation. C'est pour ça que je parlais de l'angoisse, vous voyez. Et donc, dans l'angoisse, on fait quand même l'expérience, si je peux dire, d'un vide, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout ce à quoi on se référait dans la vie courante nous échappe et devient sans importance. Et on ne connaît pas la cause forcément de l'angoisse. Non, mais... On ne sait pas de quoi on est victime non, quand voilà, on est angoissé. On ne sait pas, non, parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est une expérience passive qui montre que nous ne sommes pas toujours aux commandes de ce qui nous arrive. Vous voyez, ça me paraît très important de noter ça, parce que c'est pour ça que je ne suis pas sartrien dans ce sens, parce que Sartre, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, pense que le sujet va pouvoir décider ou contrôler tout ce qui lui arrive. Et c'est aussi pour ça que j'ai donné beaucoup d'importance au scepticisme et à Pyrrhon, au pyrrhonisme, parce que Pyrrhon, c'est quelqu'un qui nous dit on pratique ce qu'il appelle l'époké, la mise entre parenthèses, cette mise en suspens. Mais cette mise en suspens, elle nous advient. Ce n'est pas nous qui en décidons, parce que nous avons des expériences qui font que on ne peut pas faire autre chose que de rester dans l'indécidable. Vous voyez. Et donc c'est ça qui me paraît important. Mais vous qui êtes philosophe, François Dastur, comment est-ce que vous comprenez l'apparition soudaine, sans doute, de cette question de l'être dans l'histoire de la pensée? Est-ce que c'est quelque chose qui s'imposait dès lors qu'on se met à penser, ou est-ce que ça a été culturellement circonscrit à une certaine période? Alors, si on lit bien les présocratiques, on s'aperçoit que c'est Parménide qui a introduit quand même cette idée, mais Parménide a été précédé par Héraclite et par Anaximandre, les trois présocratiques, disons les plus... enfin, il y a aussi, bien sûr, il y en a d'autres, mais on a peu de textes, même Anaximandre, on n'a plus qu'une phrase. Mais eux n'employaient pas le mot « on », le mot « étant ». Ce mot, il apparaît chez Parménide. Et c'est pourquoi... J'invente un mot pour dire la question, finalement. Ah, le participe présent étant, to on, il ne dit pas être, il utilise einai, qui est le verbe, mais quand on traduit par l'être, c'est to on, c'est l'étant, c'est-à-dire un participe présent substantivé. Hein. Et ça n'apparaît pas chez Anaximandre ni chez Héraclite, et c'est pourquoi Héraclite est peut-être plus un penseur, effectivement, est plus proche d'une pensée de ce qui serait le vide, le rien ou le néant, quand il dit, par exemple, phrase peut-être la plus importante à cet égard, la nature aime à se cacher. La nature, c'est-à-dire Phusis, ce qui apparaît, en réalité, elle se retire, elle n'apparaît pas, parce que qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que, eh bien, les êtres naturels, qui sont tous des êtres individuels différents, mais la nature elle-même, c'est-à-dire ce mouvement qui fait que quelque chose est porté à l'apparaître, on ne le voit pas, il se retire. Et c'est cette figure, si vous voulez, de quelque chose que l'on ne peut pas saisir, qui va dans la direction peut-être d'une pensée, alors du néant au sens du rien ou du vide. D'ailleurs, vous, dans votre livre, vous commentez, enfin, vous dites comment Heidegger a commenté cette phrase de Héraclite. Vous dites, Pour Heidegger, cela dit, la co-appartenance de l'occultation et de la désoccultation. Oui, oui. Et chez, il me semble que chez Husserl, on retrouve la même idée, c'est-à-dire qu'il parlait de la physique, oui, en tant que discipline, elle est à la fois découvrante, on découvre des choses grâce à elle. Et recouvrante. Elle est recouvrante parce que, en même temps, elle masque ce qu'elle montre. Oui, oui. Oui, oui, oui, je crois que dans la phénoménologie, il y a eu cette idée véritablement chez Husserl aussi. Vous avez tout à fait raison d'une espèce de, là encore, de recouvrement de ce qui advient vraiment. Parce que finalement, la phénoménologie, enfin, c'est mon opinion, c'est une pensée de l'événement, c'est une pensée de ce qui se passe et non pas une pensée de ce qui est déjà advenu. Voyez, et c'est ça qui est important, c'est que la phénoménologie, chez Husserl déjà, mais surtout avec Heidegger, elle a tenté de penser l'événement du Feinestein, de l'apparaître, voyez. Et ça, dès qu'on le rapporte à des choses existantes, on le manque absolument. Il faut penser un mouvement, un événement, et cet événement, il n'est rien d'une certaine manière, voyez. On n'arrive pas à le saisir. Je pense qu'un physicien comprend ça très bien. Alors vous consacrez des pages magnifiques au livre de Heidegger, L'être et le temps, ou Être et temps. Mm-hmm. Mais le temps passe, et c'est le moment d'écouter le premier morceau de musique que vous avez choisi, Françoise Lasture. Françoise Lasture, pouvez-vous nous présenter ce que nous venons d'entendre ? Oui, c'est le chant de Zarathustra, c'est-à-dire Zoroastre, dans La Flûte Enchantée. Alors, j'ai choisi ce morceau surtout en hommage à un Français, Anquetil du Perron, qui fut le premier orientaliste véritablement, parce que, alors évidemment, l'Orient qui est découvert là, c'est l'Orient, disons, l'Orient, le Moyen-Orient, l'Orient où l'on parle turc et persan, mais il fut celui qui a, le premier, rapporté des manuscrits, manuscrits à la fois iraniens et manuscrits surtout très importants des Upanishads indiennes, qui les a rapportés en Europe et qui a tenté de les traduire. Et c'est en hommage à cette personnalité extraordinaire que fut Anquetil du Perron. Est-ce que les Grecs dont nous parlons, les présocratiques, avaient subi une influence de l'Inde ou de la Perse? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce que Hérodote, par exemple, a pu les influencer? Bien sûr, on a quelques textes. Zoroastre est connu, c'est le nom grec de Zarathoustra, est connu depuis longtemps parce que il a été, son nom au moins est connu. Sa doctrine l'est beaucoup moins. Mais je reproche un peu dans mon livre aux études grecques de n'avoir jamais essayé de... Bien sûr qu'on n'a pas beaucoup de preuves, hein, mais on aurait pu au moins montrer qu'il y avait eu des influences entre, disons, des pensées orientales et les Grecs. Parce que les Grecs, je le rappelle dans mon livre, ce sont des colonisateurs. Ils ont colonisé toute une grande partie, l'Ionie, une grande partie de la Turquie actuelle. Parménide, ont... par exemple, ne vivait pas en Grèce. Et non, il était d'ailleurs un Ionien d'origine, hein, et puis il a vécu dans l'Italie du Sud. Héraclite était à Éphèse, c'est-à-dire en Turquie aujourd'hui. Et donc, il y a eu là des mouvements très importants. Le zoroastrisme, par exemple, c'est une religion, ça a été la religion de l'Empire perse, le plus grand empire de l'Antiquité. Et cette religion s'est répandue, pendant, probablement, parce que là, on a des datations très difficiles, mais en tout cas, elle était déjà connue à partir du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, il y a eu certainement des influences, mais on n'en a pas de preuves, mais on aurait peut-être pu être plus, s'enfermer moins dans ce qu'on a appelé le miracle grec, voyez, et montrer que les Grecs, ce qui a été miraculeux sans doute dans leur culture, c'est qu'ils ont peut-être su justement s'approprier des influences orientales. Vous dites que Heidegger a eu le projet de traduire le Tao Te Ching de Lao Tzu. Oui. Mais d'où a pu lui venir cette idée? Eh bien, je crois qu'il a regardé, lui, effectivement, pas du tout du côté de l'Inde, ni du côté de l'Iran, mais il a regardé assez tôt du côté de la Chine, et il a essayé, avec un de ses élèves chinois, de traduire le Tao Te Ching. Alors, il s'est arrêté très vite, hein, parce que c'est très compliqué. J'en ai parlé, moi, je suis pas du tout sinisante, j'en ai parlé avec certains étudiants et certains professeurs. C'est vrai que c'est très difficile, il y a tellement de résonance dans les... possible dans les mots chinois que c'est très difficile de mettre au point une traduction. Mais je crois que Heidegger a vraiment pensé qu'il y avait là une ressource très importante pour la pensée et qu'il n'a pas voulu s'y aventurer parce que il a préféré rester dans sa culture et l'approfondir et aller justement dépasser l'image qu'on a de la Grèce classique avec Platon et Aristote et aller jusqu'au début de la Grèce. Cette Grèce dont je dirais qu'elle est plus soumise finalement à des influences orientales qui est celle des présocratiques. Et vous faites allusion, en parlant de Heidegger, à une conférence qu'il a donnée en 1939, « Qu'est-ce que la métaphysique ?», conférence célèbre, dans laquelle il dit que, je le cite, « l'essence de l'être même comporte dès l'origine le néant ». Et vous dites que cette phrase a été immédiatement comprise au Japon. Oui, c'est ce que les Japonais lui ont dit. Pourquoi? Parce que ça entre en résonance avec la pensée. Oui, alors là, je m'intéresse au Japon depuis assez longtemps, ne serait-ce que parce que j'ai eu plusieurs étudiants japonais extrêmement, qui m'ont beaucoup appris. Et je crois que le Japon... a véritablement fait cette expérience parce que, bon, il y a au Japon une influence du bouddhisme. Le Japon a reçu le bouddhisme et l'a investi assez tôt. Et je pense qu'ils ont fait cette expérience effectivement de la vacuité, hein, de ce qui se dit en sanskrit sunyata, sur la base du mot avec lequel on dit le zéro, sunya. Ça veut dire zéro, c'est le vide. Il y a une sorte de parenté linguistique entre le vide et le zéro. Oui. Sunyata, c'est la vacuité, c'est-à-dire l'état dans lequel il n'y a rien, il n'y a rien de compréhensible, si je peux dire. Et sunya, c'est le mot pour le zéro. C'est le mot sanskrit pour le zéro. Il faut rappeler que l'invention du zéro, c'est une invention indienne. Hein. Reprise par les Arabes. Voilà, ouais, oui, reprise par les Arabes, mais c'est une invention indienne. On peut dire que l'idée du zéro était déjà là depuis longtemps, mais c'est au VIe siècle qu'un mathématicien, un très grand mathématicien, d'ailleurs très important pour le développement des mathématiques, a eu l'idée de cette place vide. Hein, et d'où le développement des mathématiques est parti tout de même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la géométrie grecque, on n'aurait pas pu, d'une certaine manière, développer l'algèbre. L'algèbre, elle a été développée par la suite et par un Iranien à nouveau, un peu plus tard. Donc il y a là quand même une grande lignée, enfin, de pensée qui provient de l'Orient et qui n'a pas, à mon avis, trouvé son équivalent dans la Grèce telle que nous la connaissons. Mais François Dastion, on parlait tout à l'heure de traduction. Est-ce que la traduction est vraiment possible? Par exemple, est-ce qu'on est capable d'établir une relation, une correspondance, ou même d'identifier la vacuité bouddhiste, oui, au vide dont parle par exemple Démocrite ou Parménide? Comment est-ce qu'on peut prouver que ça désigne des choses semblables? Alors, toute mon entreprise, c'est une excellente question, toute mon entreprise ne consiste pas trop à comparer ou à assimiler, mais à montrer qu'il y a peut-être des traductions possibles, qu'il y a des empiètements, qu'il y a des pensées qui sont parentes ou qui sont apparentées, vous voyez. Parce que décider que c'est la même chose, c'est une décision qui ferait fi de ce qui, pour moi, est très important, c'est la diversité historique. Ils n'étaient pas dans les mêmes conditions. Ils n'avaient pas les mêmes références. Il y a eu quand même des rencontres, des rapprochements, mais on ne peut pas tout assimiler à tout, vous voyez. Et ça, je crois que c'est très, très, très important. Il faut éviter de projeter ce qu'on a compris dans une culture, voilà, dans les autres. Ce qu'il faut, c'est se dire, voilà, il y a quelque chose de similaire peut-être, il y a quelque chose d'apparenté, mais ça ne peut pas être du tout réduit à cette expérience qui est une expérience propre, qui est celle du, par exemple, qui a eu lieu dans le bouddhisme ou dans le jainisme dont je parle aussi, qui sont des religions et des philosophies, hein. Il n'y a pas de dieu transcendant dans ces deux religions, qui sont proprement indiennes. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Vous parlez souvent, je l'ai dit, et d'ailleurs vous revendiquez le fait de que votre livre est parcouru par des références à Heidegger. Oui. Et vous dites qu'Heidegger a dit dans un cours inaugural en 1929 que les sciences ne veulent rien savoir du néant. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que pour lui, la science et la logique traditionnelle, ça va ensemble pour lui, elle s'attache essentiellement à ce qui est donné, subsistant. Et elles ne veulent pas entendre. Enfin, il pensait, je pense surtout là à l'empirisme logique et à Carnap, parce qu'il y a eu toute une diatribe entre Heidegger et Carnap. Carnap reprochant à Heidegger de parler du néant, alors que selon lui, ça n'est pas du tout possible. On ne peut pas en parler. Et d'une certaine manière, ils sont d'accord, Heidegger et Carnap, parce que Heidegger dira qu'on ne peut pas parler du néant ni dans le langage quotidien ni à l'aide de la logique traditionnelle, qui est une logique prédicative où on suppose toujours qu'il y a un sujet auquel on rattache des propriétés. Et c'est pourquoi pour Heidegger, seule la philosophie ou la poésie, qui sont très proches selon lui, hein, il dit que le poète et le penseur vivent sur des mondes séparés, mais qu'ils sont proches l'un de l'autre, c'est seulement là qu'on peut aborder ces questions qui demeurent inabordables dans la science. Alors peut-être qu'il aurait, quelques années plus tard, peut-être pas été aussi, je dirais, péremptoire, puisqu'on sait qu'il a quand même, lui-même, il s'est beaucoup intéressé à la physique, et qu'il a, par exemple, discuté avec Heisenberg. Et il aurait été sans doute moins péremptoire à propos de la physique quantique. Oui, voilà, parce qu'il s'est intéressé en particulier beaucoup à la physique quantique dans ses dialogues avec Heisenberg. Mmh. Alors justement, on parle de physique quantique, mais il y a un certain nombre de pères fondateurs de la physique quantique qui se sont intéressés à l'Inde par le biais de Schopenhauer, parce que vous expliquez très bien que beaucoup de penseurs occidentaux, Schopenhauer et puis d'autres par la suite, Simone Weil par exemple, oui, se sont intéressés à l'Inde. Oui. Et les pères fondateurs de la physique quantique se sont intéressé à Schopenhauer, donc à l'Inde. L'exemple le plus frappant, c'est Schrödinger, l'homme de l'équation de Schrödinger, qui a commencé à lire Schopenhauer en 1918. Il s'est intéressé aux métaphysiques de l'Inde, et il s'est intéressé au nirvana, au karma, etc. Et il disait de Schopenhauer qu'il était à ses yeux le plus grand savant de l'Occident. Et il a approfondi la philosophie indienne, les Upanishads et leur théorie de l'identité. Il en a déduit une théorie unitaire de la connaissance. Ah oui, ça, alors je suis malheureusement ignorante de tout cela, mais je vais tout de suite m'y intéresser. Ce que j'essaie de comprendre, c'est en quoi ceci manifeste que la physique quantique aurait invité certains physiciens à se rapprocher de l'Inde. Oui, mais parce que je crois effectivement qu'il y a dans la pensée indienne cet intérêt pour, encore une fois, l'événement, pour ce qui n'est pas localisable et voilà. Complètement... L'indétermination également. Voilà, l'idée d'une indétermination. Et je sais qu'il y a toute une littérature, j'ai lu quelques textes, sur le rapport entre la pensée védique et la physique quantique. Alors peut-être que il ne faut pas non plus... imaginez qu'il y avait une avance des Indiens absolument incroyable sur le développement de la physique, mais il y a certainement des correspondances là et qui sont extrêmement intéressantes parce que on n'a pas ce que nous avons, disons, ce dont nous avons hérité. C'est quand même une logique prédicative. C'est quand même une logique qui suppose un sujet cernable, voyez, et qui rattache des propriétés à quelque chose de subsistant. Je me suis beaucoup intéressé, par exemple, à la logique d'un penseur japonais, parce que lui, il veut renverser les choses. Il nous dit, c'est le sujet... C'est Nishida. Le sujet, il faut l'expliquer à partir du prédicat, c'est-à-dire de la qualité, de la chose qu'on lui... Parce que c'est là, il est pris là-dedans, n'est-ce pas ? Il n'est pas du tout, en quelque sorte, quelque chose qu'on peut cerner à l'avance et qui serait le fondement. Vous voyez ? Mais il se peut que je me trompe, mais je crois que Nishida s'est beaucoup intéressé à la physique quantique, justement. Oui, voilà, absolument, parce que c'est toujours l'idée... Alors, la grande idée, c'est une idée, je crois, qui a été mise en avant par le bouddhisme, c'est l'idée de l'impermanence de toute chose qui est là très très profonde, alors que notre logique et notre ontologie européenne et grecque, c'est une ontologie de la substance, de ce qui est déjà là subsistant, vous voyez, du sujet. Alors vous dites, on peut se demander si ce n'est pas l'importance accordée à la méditation en Inde et tout particulièrement dans le bouddhisme qui a contribué à faire ainsi une place au vide et à la vacuité, alors que dans l'Occident grec et chrétien, le néant assimilé au mal doit être conjuré. Oui. C'est-à-dire que la méditation permet des ouvertures philosophiques. Alors, c'est encore une fois, je ne veux rien affirmer, mais il me semble qu'il y a dans cette volonté, enfin, c'est même pas une volonté, mais c'est le désir dans toute la pensée indienne, non seulement bouddhiste, mais aussi la pensée indienne qui est plus orthodoxe, la pensée védique, c'est l'idée que l'homme doit se délivrer d'une certaine manière de l'idée qu'il est un moi. Qu'il est en quelque sorte un individu séparé. Et cette idée-là, l'idée d'une délivrance, va conduire effectivement à ces pratiques de la méditation qui sont aujourd'hui, voyons-le, très très très célébrées en Occident. Hein. Tout le monde veut méditer aujourd'hui. Mais est-ce qu'elles sont fidèles à la pratique indienne ? Non, parce que le yoga, c'est le nom d'une école philosophique et que... Pour donner le simple exemple, et que la méditation, elle ne peut pas... la pratique est importante, mais il faut aussi l'étude, il faut aussi la pensée, vous voyez. Et donc, quand on détache les deux, on ne peut pas dire qu'on soit fidèle. Mais en même temps, cette idée qu'il faut laisser être les choses, qu'il ne faut pas en quelque sorte les accaparer, qu'il ne faut pas s'attacher à ses pensées, mais qu'il faut au contraire faire le vide, comme on dit, c'est une idée qui vient effectivement de... Mais est-ce qu'on trouve en Inde l'idée qu'aucune chose ne peut être définie de façon intrinsèque ? Alors dans le bouddhisme, oui. Toutes les choses sont interdépendantes, il n'y a pas de cause ? Alors dans le bouddhisme, c'est même la théorie de base, n'est-ce pas ? C'est que rien ne peut être détaché d'aucune autre chose, et donc on ne peut pas parler de quelque chose en l'isolant. Et seule la totalité a un sens ? Et même pas, puisque Nagarjuna, qui est le grand penseur, alors là vraiment, c'est le grand penseur du bouddhisme, en même temps que c'est un des deux, je crois, plus grands penseurs de l'Inde, Nagarjuna nous dit que la vacuité même, on ne peut pas en parler. Parce que dès qu'on en parle, on en fait quelque chose. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de possibilité, en quelque sorte, de saisir quelque chose et de lui attribuer telle ou telle qualité. Ce qui est quand même la base de notre logique, la base de la logique aristotélicienne et de celle que nous pratiquons, et qui est pratiquée dans toute la science, je dirais, classique. Hein. C'est seulement à partir des développements de Einsteinien et de la physique quantique que ces choses-là commencent à ne plus, ça ne marche plus, d'une certaine manière, cette logique-là. Et je pense que le moment est venu d'écouter la musique indienne. François d'Astur, vous nous présentez ce morceau qui s'entend comme une rencontre entre deux instruments, deux grands musiciens. Oui, deux instruments, sitar et violon, et deux grands musiciens, Yehudi Menuhin et Ravi Shankar. Et le morceau s'appelle, c'est un mot très intéressant, Jungalbaldi, qui veut dire jumeaux entrelacés. C'est le nom qu'on donne à un duo de deux solistes. Et pour moi, c'est l'image de ce que devrait être aujourd'hui, en quelque sorte, la philosophie, n'est-ce pas ? Elle devrait, comme Menuhin est allé à la rencontre de Ravi Shankar, la philosophie européenne devrait aller à la rencontre de la philosophie indienne, qui est la grande méconnue dans les universités, disons, occidentale. En tout cas, c'est ce rapprochement que vous opérez dans votre livre « Figure du néant et de la négation entre Orient et Occident ». En 1989, Roger Paulroy, que nous avons reçu à ce même micro il y a quelques semaines, avait publié un livre qui s'intitulait « L'oubli de l'Inde ». Oui. Est-ce qu'elle est vraiment oubliée ? Je crois que la philosophie, non pas, évidemment, nous avons eu de très très grands spécialistes de l'Inde en France, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en Angleterre depuis, disons, le milieu du XVIIIe siècle. Mais ce qui a été oublié, à mon avis, essentiellement, c'est la philosophie. Il y a 6 écoles orthodoxes, il y en a 3 autres qui sont, orthodoxes, c'est-à-dire qui suivent la leçon des Védas, un livre, des textes qui remontent au XIIe siècle pour les plus anciens avant Jésus-Christ. Et puis il y a 3 écoles dont le bouddhisme et le jainisme qui refusent l'autorité des Védas, mais qui ont été en dialogue constant avec l'Inde, avec les écoles orthodoxes. Il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est un endroit où les débats n'ont jamais cessé. Et je voudrais citer le livre ici de Amartya Sen, The Argumentative Indian. L'Indien est un être qui ne cesse pas de débattre avec les autres, avec ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Vous voyez, il y a eu énormément de textes, il y a eu énormément de débats, et on n'en fait jamais du tout état dans la philosophie, dans les instituts de philosophie. Ça commence, je crois, beaucoup dans les pays anglo-saxons. Depuis quelque temps, mais en France, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. On n'enseigne pas la philosophie indienne, ou très peu. On n'enseigne pas. Il y a quand même un spécialiste de philosophie indienne à Paris 4, mais il est le seul pour toute la France. Voyez. Et ça, je pense que c'est véritablement quelque chose qui... cette méconnaissance, à mon avis, est assez grave, et c'est pourquoi le duo de Ravi Shankar et de Menuhin me semble devoir aujourd'hui être transposé sur le plan philosophique. Alors, si on revient, Françoise Dature, à la question du néant, souvent, d'ailleurs vous le citez vous-même, on cite cette question de Leibniz qui, un jour de l'an 1740, posa la question fondamentale, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et la réponse qu'il donne, c'est que le néant est certainement plus simple et plus facile que n'importe quelle chose. C'est ce que dit Leibniz. Oui, le néant est plus simple et plus facile que n'importe quelle chose. Et on peut lui donner raison, parce que si le monde n'existait pas, il serait certainement un peu moins compliqué. On est d'accord. Mais alors d'où vient que c'est le difficile et le non simple qui ont gagné la partie ? Oui, mais... Est-ce que c'est pas ça la question du néant et celle de l'être, couplées l'une à l'autre ? Oui, c'est pas faux. Effectivement, il suffit de se laisser d'une certaine manière aller pour avoir un rapport au néant, alors que dès qu'on veut avoir un rapport à quelque chose d'individualisé, toutes les questions se posent. Et comment le penser, comment l'aborder, comment le traiter. Oui, c'est assez vrai. Mais en même temps, je pense que je reviens à cette idée, enfin, qui est pour moi très importante, nous avons tendance à donner une existence séparée à des choses qui n'ont pas d'existence séparée. C'est la grande idée du bouddhisme, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi nous sommes dans l'illusion. Nous sommes dans l'illusion. Et cette illusion, elle peut nous conduire à compliquer formidablement notre existence. Oui. Mais d'ailleurs, c'est ce dont porte la trace toute notre tradition occidentale, hein, qui est une accumulation de procédures et qui est conduite quand même par l'idée qu'il s'agit de posséder et d'accaparer et de faire rendre raison aux choses, voyez, c'est-à-dire en quelque sorte de les assimiler et de les posséder. Je crois que c'est une tendance extrêmement forte contre laquelle va effectivement cette idée de la délivrance, de la moksha qu'on trouve en Inde, voyez, qu'il s'agit de se libérer de tout ça. Donc, en ce sens-là, effectivement, la question de Leibniz, elle vient très tard quand même, au XVIIe siècle, mais elle est très intéressante. C'est étonnant qu'elle n'ait pas été posée avant sous cette forme. Tout à fait. Eh oui, parce que alors ça rejoint peut-être quand même cette grande idée qu'on trouve dans la philosophie grecque, qui est celle du taumazein, c'est-à-dire de l'émerveillement. Je m'émerveille plus que je m'étonne. Je m'émerveille qu'il y ait quelque chose. Et cet émerveillement vient de ce que, bah, évidemment, j'aurais pu ne rien rencontrer. Vous voyez, je suis devant le spectacle, par exemple, de la nature, et je m'émerveille... Qu'il y ait quelque chose. Qu'il y ait quelque chose, voilà. Alors, les Grecs n'ont pas été, évidemment, sourds à ça, vous voyez, parce que c'est quand même Platon et Aristote qui ont dit, tous les deux, que c'était l'origine de la philosophie. L'émerveillement. Comment ? L'émerveillement. L'émerveillement, voilà. Et donc, ce qui est à l'origine de la philosophie, c'est très intéressant, c'est une disposition affective. C'est pas seulement l'intellect, mais c'est cette expérience que nous faisons qui va nous conduire à poser des questions, et en particulier la fameuse question « qu'est-ce que l'être ?» voyez, qui est une question qui nous embarrasse. Moi, j'aime beaucoup cette idée qu'on trouve chez Platon, que la question de l'être, il dit, c'est une aporie. On n'arrive pas, à la résoudre, cette question-là. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, Françoise Astur, je vous ai présenté tout à l'heure comme une spécialiste de Heidegger. C'est une des raisons qui font que je vous admire, c'est que j'ai le plus grand mal à lire Heidegger, à comprendre. Et je profite de votre présence pour que vous m'éclairiez sur le sens d'une phrase qu'il a écrite en 1929. Je le cite donc, « Le néant ne forme pas simplement le concept antithétique de l'étang, mais l'essence même de l'étang comporte dès l'origine le néant. C'est dans l'être de l'étang que se produit le néantir du néant. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, je dois dire, déjà avec la traduction, c'est pas évident. C'est plus simple en allemand ? Peut-être, parce que l'allemand peut utiliser en particulier des mots substantivés. Nous avons, par exemple, le mot étang, c'est un mot qu'on a été obligé de réintroduire dans la langue française. Montaigne l'utilisait, mais on l'a perdu. Parce que, vous savez que les étudiants de Jean Beaufret écrivaient étang au début quand ils l'entendaient avec ANG. Vous voyez? Parce que c'était un mot qui avait disparu complètement de la langue française. L'étang n'est pas l'être. Vous voyez, pour Heidegger, c'est très important de montrer que le mot éon, qui est le mot qu'utilise Parménide, c'est un participe présent. C'est-à-dire que c'est un mot qui est à la fois entre le verbe et le nom. Voyez. Et donc, dès que nous donnons une subsistance aux choses, en quelque sorte, nous les tirons hors de l'être. Hors de l'être qui, lui, est quoi ? Eh bien, l'être, c'est le néant, dira Heidegger. D'ailleurs, il finira, vous le savez, je l'indique dans mon livre, par barrer le mot être. Il y a la fameuse rature du mot être. Parce que l'être, c'est un concept embarrassant. Voilà, c'est un concept dans lequel auquel on n'arrive pas à rendre justice, parce que de l'être, on veut toujours faire quelque chose qui soit cernable, qui soit dont on puisse rendre raison, justement. Alors que l'être, c'est pour Heidegger absolument identique au néant. Et donc, je dirais que Heidegger, vous voyez, on a toujours pensé qu'Heidegger, c'était un penseur du fondement, même du sol. Hein. C'est un penseur de l'abîme, en fait. C'est un penseur de l'abîme, c'est un penseur de ce que les Grecs appelaient le chaos, parce que chaos, c'est la béance originelle, vous voyez, d'où tout sort. Oui, mais on dit que l'être et le néant sont la même chose. Oui. Bon, est-ce qu'on n'y perd pas son latin, enfin son grec? Ah, son latin, c'est sûr. Son grec. Le grec, peut-être moins, mais le latin sûrement. parce que toute la pensée de Heidegger, si vous voulez, consiste encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est une pensée de l'abîme, de ce qui se dit en allemand « Abgrund », hein, c'est là où on n'a plus de fondement, où on perd pied. Voyez, et c'est cela pour Heidegger, la pensée philosophique comme la poésie, parce qu'il les met à ce moment-là sur le même plan. Ce sont des expériences qui s'expriment dans un langage qui est évidemment pas compréhensible pour le commun des mortels, pas le langage que nous utilisons tous les jours. Heidegger appelle ça du Gespräch. Ça veut dire un langage qui ne parle que de lui-même, et qui fait être des entités imaginaires. Vous voyez, c'est le langage que nous utilisons dans la vie courante. Je pense que c'est pas du tout le langage, par exemple, qui est utilisé dans la physique quantique. Vous voyez, et là, on aurait peut-être une alliance possible entre une certaine philosophie, hein, par exemple celle que Heidegger a tenté de développer, une poésie, hein, qui justement nous dit des choses parfois qui peuvent paraître incompréhensibles immédiatement. Et puis le langage de la science d'aujourd'hui. Ah, je ne sais pas si on peut pousser l'analogie, mais en effet, en physique quantique, le mode de représentation des systèmes physiques, des particules par exemple, s'émancipe de l'espace dans lequel se déroulent les phénomènes. Et voilà. On est dans des espaces abstraits, hilbertiens, des espaces vectoriels. Ouais. On fait des calculs, puis ensuite on revient dans le réel ordinaire pour faire des expériences. Et il se pose la question de la brèche ouverte par la différence qu'il y a entre le monde et sa représentation. Et voilà, et voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui serait en résonance peut-être avec ce que Heidegger ici dit, qui est évidemment très très dérangeant pour l'entendement commun. Hein, c'est tout à fait évident. Mais dans votre livre, vous revenez souvent sur un penseur qui s'appelle Nagarjuna, un Indien, donc, qui a écrit un livre intitulé pour écarter les vaines discussions. Oui. Et vous dites qu'il affirme que tous les phénomènes sont semblables à un mirage, à un songe, et qu'il en va de même du mouvement et du temps. Il nie l'efficience même de cause, car rien ne surgit ni de soi-même, ni d'autre chose. Et pourtant, ce songe qu'est le monde n'est pas rien. Il occupe le milieu entre l'existence propre et autonome et la non-existence absolue du néant. Oui. Alors ça, c'est une idée indienne, effectivement. Le milieu. C'est qu'il y a, effectivement... cette apparence, si vous voulez, des choses. Hein, le mot Maya est le mot indien pour dire cela. Nagarjuna, c'est encore une fois le plus grand représentant de la philosophie bouddhiste. Et c'est effectivement important de prendre en compte, si vous voulez, ce monde, en quelque sorte, qui est celui que nous créons nous-mêmes, en quelque sorte, avec nos représentations, qui sont des représentations, je dirais, prosaïques, qui nous aident à vivre, qui nous permettent de nous orienter dans le monde, dans ce monde qui est le monde de la quotidienneté, mais qui ne rendent pas compte de la nature profonde des choses, voyez. Alors, si je vous ai interrogé sur cette notion de milieu, c'est parce que je pense que vous connaissez cette lettre de Blaise Pascal au Père Noël. Alors c'est pas le Père Noël des sapins, c'est le révérend Père Noël qui était le président de la compagnie de Jésus, je crois, jésuite, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « La plénitude du vide ». Et Blaise Pascal termine ce texte en disant, cette phrase que je trouve extraordinaire parce que le vide dont il parle, c'est exactement le vide quantique, il dit « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». Ah oui. Donc le vide, c'est une sorte de prologue de la matière. La matière est là de façon potentielle. Il y a des particules qu'on appelle virtuelles dedans, en physique quantique. Oui. Et donc il y a cette idée de milieu qui fait une sorte de jonction entre le non-être, enfin le néant en l'occurrence, et puis le réel, l'être, Je me souvenais pas du tout de ce texte de Pascal, mais il me paraît effectivement extrêmement important, parce que cette voie du milieu, c'est ça le bouddhisme, d'une certaine manière, vous voyez, qui ne veut pas en quelque sorte abandonner à elle-même les représentations qui sont celles de que nous nous faisons, mais qui en même temps ne peut pas leur donner un statut définitif. Et il me semble que Pascal nous dit quelque chose du même ordre là. Il parle du vide, alors du vide disons newtonien, c'est un espace vide, mais sa phrase résonne encore plus fort quand on prend le mot vide dans le sens quantique. Dans le sens quantique. Un vide qui n'est pas vide, qui contient de l'énergie. C'est ça. Et des particules virtuelles. Oui. Alors, quand on vous écoute et quand on vous lit, on a l'impression que vous faites l'effort de, un physicien dirait, de pomper des ondes qui viennent d'horizons divers. Oui. Mais est-ce que vous arrivez à faire une sorte de synthèse? Ou est-ce que... Je n'ai pas du tout... je me sépare de Hegel, vous voyez, je n'aime pas la synthèse. C'est-à-dire que je préfère rester dans ce que j'appelais une tentative de traduction, tentative de montrer des empiètements ou des écarts. Et puis surtout, je voudrais quand même dire que ce livre n'a pas d'autre prétention que d'être un état des lieux, voyez, c'est-à-dire de donner des indications, d'ouvrir des pistes. Je ne vais au bout de rien dans ce livre. Je me donne une sorte de programme de travail à moi-même et à d'autres, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à creuser. Non, je me méfie. Je suis très merleau-pontienne à cet égard. Vous savez, Merleau-Ponty conservait la dialectique, mais sans synthèse, disait-il. Et je pense que essayer de faire une synthèse, c'est à nouveau... C'est nier ce qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire la diversité historique, le fait que des pensées sont nées dans différents endroits de la planète Terre, qu'elles ont eu des environnements différents, qu'elles se sont développées différemment, qu'on peut faire chanter ensemble, comme Ravi Shankar et Menuhin l'ont fait. On peut les faire chanter ensemble. Et ça fait une nouvelle musique, finalement. Oui, ça fait une nouvelle musique, mais qu'on ne peut absolument pas assimiler l'une à l'autre. Vous voyez, le sitar et le violon, c'est deux instruments complètement différents. Les gammes sur lesquelles on se fonde sont complètement différentes. Et pourtant, on arrive à chanter ensemble, on arrive à les faire chanter ensemble, et ce serait ça en quelque sorte que j'aurais en vue dans le travail que j'espère pouvoir encore mener, c'est de montrer toutes ces intersections possibles, parce que c'est important, n'est-ce pas, de ne pas, et pour moi c'est extrêmement important, de ne pas penser que la pensée européenne est celle qui va nous donner en quelque sorte les clés du monde, et que elle doit s'affronter à d'autres possibilités de pensée, à d'autres réalisations extraordinaires de pensée qui ont eu lieu en particulier en Inde, mais pas seulement en Inde. Je me suis intéressé surtout à l'Inde, mais il y a d'autres continents qu'il faudrait explorer. La Chine, le Japon, et peut-être même... Nous avons reçu François Julien il n'y a pas très longtemps, voilà, pour parler de la Chine. Voilà, oui. Mais est-ce que, ce sera ma dernière question, parce que malheureusement le temps passe, mais quel rapport y a-t-il entre ce que vous avez élaboré autour du néant et puis cet autre mouvement qu'on appelle le nihilisme? Est-ce que les deux choses sont corrélées, ou est-ce que le nihilisme c'est simplement une façon de dire son dégoût, le fait que Dieu est mort, etc.? Oui, j'en parle un petit peu dans le livre, effectivement, à travers de Nietzsche, bien sûr, qui dit que c'est l'hôte le plus dangereux, le nihilisme. Oui, c'est effectivement une question qui a été traversée et qui n'est peut-être pas encore résolue, d'ailleurs. C'est l'idée que ça serait, je dirais, la mauvaise face, si vous voulez, du néant. Hein, un nihil qui serait celui du tout égal, du tout... parce que c'est ça le nihilisme, n'est-ce pas? C'est celui qui ne reconnaît aucune espèce de valeur. Le nihiliste, c'est celui qui met en quelque sorte toute chose à égalité avec toute autre chose. Et je crois que ça, c'est effectivement une pente dangereuse qui n'est pas du tout celle qui est prise. Alors c'est là où Nietzsche, à mon avis, s'est trompé sur le bouddhisme. C'est pas du tout la piste qui est ouverte par le bouddhisme, n'est-ce pas? C'est pas ce nihil-là, ce néant-là, ce rien-là qui est visé par la pensée bouddhiste. Nietzsche voulait, en ce qu'il concerne lui-même, se mettre dans une toute autre position, la position du oui inconditionnel à la vie, ce que je comprends d'une certaine manière très bien, mais je pense qu'il faut peut-être pas non plus, là encore, forcer les choses, n'est-ce pas? Nous sommes des mortels, et il n'y a pas de texte beaucoup de Nietzsche sur la mort, vous voyez, et je crois que la mort, c'est une autre figure du néant que je n'ai pas explorée dans ce livre-là, que j'ai explorée dans d'autres livres, et c'est une figure qu'il nous faut, alors est-ce qu'on peut la regarder en face? Je ne pense pas, mais c'est une figure avec laquelle nous devons avoir, où nous devons, il nous faut non seulement avoir rapport avec cette figure du néant, mais il nous faut trouver un moyen, alors de, non pas de l'apprivoiser, comme disait Montaigne, parce qu'on n'apprivoise pas la mort, hein, elle demeure un animal sauvage, mais avec lequel nous devons entrer en rapport, peut-être de manière à transformer le rapport que nous pouvons entretenir avec elle. Moi, je m'y efforce tous les jours. Je ne peux pas dire que j'ai réussi encore. Mais je pense que si on n'a pas ce rapport à cette figure effrayante du néant qu'est la mort, on n'est pas un humain au sens plein du terme. Voilà. J'ai l'impression que ça sonne comme le mot de la fin. Oui, tout à fait. Merci Françoise Astur d'être venue nous parler du néant, du non-être, de l'être et de beaucoup d'autres choses. Je ne savais pas qu'on pouvait dire autant de choses sur le rien. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Lucas Vaillant et à la réalisation François Connac. Thank you. de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.